Je garde la tête haute, tu vas comprendre l'ampleur des dégâts que je prends. De jour en jour, mon rap métèque se forme et moi je grandis. Assez des ondis, marque des personnes qui passent en scène derrière leur orgie. Devant toi, ils serrent les fesses, ma tête de Jacques Daniel. C'est pas ma femme, c'est ma maîtresse, je ne peux plus vivre sans elle. Je ne baisserai pas les bras pour voir la flamme et l'amour dans les yeux de ma mère. Je regarde toujours en haut parce qu'on a commencé en bas à compter des bars et des soirées bien pleines d'émotions. Et des bars avec les frères, des coups de barre de fer sous les faux frères. Je garde la tête haute, dans ma vie j'assume mes fautes et tous mes erreurs. Je garde la tête haute, je vous regarde en haut, j'écoute, je vois ce que vous faites et vous dites. Vu du ciel, j'ai juste envie de partir dans un monde où il n'y a pas de différence. Liberté, l'égalité et fraternité. Quand tu les écoutes, je pense qu'ils l'oublient. Je regarde en haut, envie de vous assommer vu du sommet. Sans pleurer, la belle vie j'ai senti qu'elle m'a effleuré. Si je devrais changer ma vie, je resterai dans le même bâtiment. Je dirais les choses autrement pour mieux me faire comprendre. J'arrêterai les passements de jambes, je serai plus direct avec tous les gens. Que ça soit les proches ou les personnes éloignées. Dans ma vie je me débrouille depuis toujours à faire du flouze. Je prends des raccourcis sans avoir le blues. C'est pas eux qui payent mon loyer à la fin du mois. Crois-moi, on est toujours mieux servi par soi-même. Comme ça, j'ai pas de dette, j'suis plus obligé d'être honnête. On m'a souvent dit appris la gentillesse, tu les respects. J'allumerai un stick et je les écouterai. Je garde la tête haute, je vous regarde en haut, j'écoute, je vois ce que vous faites et vous dites. Vu du ciel, j'ai juste envie de partir dans un monde où il n'y a pas de différence. Liberté, l'égalité et fraternité. Quand tu les écoutes, je pense qu'ils l'oublient. Je regarde en haut, envie de vous assommer vu du sommet. Trop de fois, je garde la tête haute devant les gens qui me montrent du doigt, qui me disent travaille et tais-toi. Je me tiens la tête, je repense à ce que j'ai dû bien faire pour qu'ils me jugent sans savoir. Le savoir c'est le pouvoir, les acquis que j'ai cumulés dans toutes ces années, je les ai pas oubliés. Les personnes qui m'ont aidé, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas zappé. Un jour la monnaie de la pièce, je vous la rendrai. Mais je garde la tête haute dans ma vie, impossible pour moi d'oublier les cauchemars que j'ai fait sur la tête d'oreiller. Pour finir qui se sont réalisés, je veux les préjugés changent, surtout dans l'international ou à l'Elysée. Je garde la tête haute, je vous regarde en haut, j'écoute, je vois ce que vous faites et vous dites. Vu du ciel, j'ai juste envie de partir dans un monde où il n'y a pas de différence. Liberté, l'égalité et fraternité. Quand tu les écoutes, je pense qu'ils l'oublient. Je regarde en haut, envie de vous assommer vu du sommet. Je garde la tête haute, je vous regarde en haut, j'écoute, je vois ce que vous faites et vous dites. Vu du ciel, j'ai juste envie de partir dans un monde où il n'y a pas de différence. Liberté, l'égalité et fraternité. Quand tu les écoutes, je pense qu'ils l'oublient. Je regarde en haut, envie de vous assommer vu du sommet. Killer dans mon 59, je regarde la tête haute. Dans ma vie j'assume mes fautes et tous mes erreurs.